everything you feel. The lonely inner state, emergency. I want to feel until my heart can take no more. And there's nothing in this world I wouldn't give. I want to break the indifference of the days. I want a conscience that will keep me wide awake. I won't be disappointed. I saw a face, it was a face I didn't know. A sadness told me everything about my own. Can't let it be, when least expected there she is. Gone the time and space that separates us. I'm not safe. I think I need a second skin. No, I'm not safe. World citizen. World citizen. Across the steppes and overseas, I want to understand the cost of everything that's lost. I want to pronounce all their names correctly. World citizen. World citizen. Disappointed, I won't be. She doesn't laugh. We've gone from comedy to commerce, and she doesn't feel the ground she walks upon. I turn away. I'm not sleeping well at night. And while I know this isn't right, what can you do? taste on the shelf. Chrysanthemums, roses, did you pick them yourself? No one does it like you. No one does it like you. No one does it like you. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Thank you. proved by means of the sense of hearing. If someone walks fast and one pricks up one's ears and listens, say at night, when everything round about is quiet, one hears, for instance, the rattling of a mirror not quite firmly fastened to the wall. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Uwaga! Naturalnym odruchem w przypadku występowania nowego zagrożenia zdrowotnego jest niepokój. Dlatego korzystaj ze sprawdzonych źródeł informacji, które publikowane są na stronach internetowych gis.gov.pl i gov.pl/koronawirus. Pamiętaj, że wiedza naukowa oparta na dowodach to najskuteczniejsze narzędzie w walce z koronawirusem. Zostań w domu z Trójką. Between these hands, there is a silence, light as a baby, light as a baby, born without breath. There is a darkness pruning my fingers, sure as a shadow, sure as a shadow, taking your place. Between these as a plane leaves the ground. Our bridge is of everyone gone between these ze ścieżki dźwiękowej inspirowanej filmem Roma, który mam nadzieję już wszyscy obejrzeli, Asaf Avidan, Between These Hands. Kto ma jeszcze poza mną nowy album Agnes Obel prawie ciągle na pętli? Yeah. Album, na który czekałam bardzo długo, żeby miał swoją premierę. Jael Naim przed nami i przepiękny nowy album Nocne Piosenki, Night Songs, idealny na ten czas teraz. Beat of madness, a beat of warmth, a beat of sadness, and that's all. A beat of sweetness, a beat of guilt, a beat of missing, and that's all. A beat of starting, a beat of falling, a beat of secret, and some more. A beat of missing, a beat of fear, a beat of you, and that's love. A beat of friendship, a beat of dreams, a beat of lying, and that's all. A beat of longing, a beat of sand, beat of troubles, and that's all. A beat of knowing, a beat of tears, a beat of touching, but not more. A beat of laughing, a beat of giving, a beat of us, that's love. A beat of sorrow, a beat of pain, a beat of Monday, and that's the end. A beat of magic, a beat of trust, it grows so fast, our love. Of heart, it barely starts, but cannot last our love. I swear. suis pas assez forte pour être ton pansement, pour soigner tes blessures, te protéger du vent, tout ce que tu avoues d'avant qu'il y ait nous. Pendant que tu joues au fou, moi je ne vois que des trous dans ton cœur qui t'éloigne quand t'as peur. Tu réclames le bonheur, mais tu le fais fuir ailleurs. Des trous dans tes poches quand tu blesses le plus proche. Tu ris et tu décroches, tu vois bien que ça cloche. Des trous dans ton corps, ce médoc qui t'endort, c'est jamais toi qui as tort. Puis c'est quand que tu t'en sors. Des trous dans tes mains qui trouvent pas leur chemin, qui ne touchent sans lendemain tous ces espoirs en vain. Des trous dans tes pieds, tu cours pour pas tomber. Tu dis être ma moitié, moi je veux qu'on soit entier. Tu trembles quand je te serre, tu trembles quand je te lâche. Moi je deviens amer, n'en peux plus que tu nous gâches. Mais tu caches le soleil, tu finis la bouteille. Toujours les beaux conseils, des rêves dans ta corbeille. Je vais pas te sauver, je ne suis pas ta bouée. Je vais même pas essayer de plus te regarder. Je vois qui tu es, je vois qui tu ne seras pas. Mais Dieu que ça me fait peur d'avoir pu aimer ça. Tes trous qui respirent, c'est ce nom qui m'inspire, qui brise mon empire, qui m'arrache un soupir. Mais quand on va grandir, après tout ce qu'on s'est fait, quand on sera en paix dans un monde imparfait, un jour on va oser tout simplement s'aimer, juste comme ça, comme on. Silencieux de nos